ce moment, je vous avoue, je vis la corde autour du cou. J'étouffe, vite faut que je trouve la solution qui me donnera du mou. J'ai plus d'amour, plus de cœur et peu d'humour. En fait, j'ai tellement perdu que je crois que j'ai plus d'humeur. En poudre par ma vie, avec elle embarque mes projets. J'ai pas eu de préavis, elle est partie sans même raccrocher. Mille fois j'ai fait le tour de la question sans trouver de réponse, ni même de leçons à prendre. Et ça met la pression, on ne sait plus quoi faire ni penser. On a peur de recommencer. En affaire, j'achèterai bien un destin déjà tracé. Je vois pas ce qu'il veut me dire, non, je comprends plus. J'aime bien apprendre mes erreurs, mais là, comment veux-tu? Mais où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Oh, oh, oh. Je suis perdu, perdu. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, oh. Je m'efforce de rester positif, garder mes objectifs et rester droit. Ne pas lâcher de vue mes principes pour rester moi. Je marche avec un couteau dans le cœur, des traces donc dans le dos. Je ferme les yeux et j'avance pour effacer ma rancœur. J'ai pas besoin de ragots pour qu'on m'estime plus. J'suis peut-être pas dans le bon bateau, mais en tout cas je prends pas le bus. Ce que je veux dire, c'est que de nos jours, faut avancer seul et pas traîner le fardeau des autres. La vie est ta mère, pas besoin de rajouter de sel. Maintenant, je pense à moi, rien à foutre ce que pensent les autres. Faut que la montre tourne, personne nous attend, alors faut que je détourne tous ces regards qui portent l'œil. Porte l'œil. Le deuil d'une vie, si je la contourne, c'est le destin qui nous rattrape ou nous courons après. Oh, oh, oh, y a-t-il vraiment rien à faire? Est-il déjà tracé? Oh, oh, oh, on se bat pour notre vie. On essaye de garder les mêmes propres et ne pas se noyer dans le vide. Les pieds sur terre, on est debout. Du poids sur les épaules, mais on tient le coup. Je donne le meilleur pour relever la tête. Efface mes fautes dans la vie. S'il y a des victoires, dis-toi que c'est grâce aux défaites. Oui, je fais l'effort. Essaie de défier le fond des choses. Remonte rarement à la surface. J'évite les idées fausses et je bosse. Même sur moi-même, je regarde tout, ça me mène. Depuis que je suis gosse, je poste, mène au Père Noël. Vous allez dire que je suis fou. Mais je ne suis qu'un homme de plus qui demande pas l'aide et qui se cache pour pleurer, a besoin de cash pour rêver. Qui casse quand il s'énerve et passe du rire aux larmes sans se leurrer. Dans sa tête incarcérée, baisse le poids des mots. Sérieux, comment veux-tu ne pas serrer? C'est vrai, c'est de l'énergie perdue pour rien. Mais on est comme ça et on peut rien continuer, on le serait. Ce qu'on a envie, c'est de s'évader et prendre le large, prendre le large. Mais on a aussi envie d'exister et prendre de l'âge, prendre de l'âge. Mais ça c'est pas dans nos cordes, on n'est pas sur un ring. Y'a pas de cloche qui sonne, ici c'est le destin qui dirige. On ne sait pas quand ça tombe, on n'est pas à la tour de piste. Mais je creuserai pas ma tombe, j'ai envie de faire des tours de piste. Piste, à chaque fois que je prends un coup, je l'encaisse. Je remercie la vie de mon maître, car ça me rend plus fort. Impossible de le modeler, le monde est laid. Monte les marches, mais fais-le dans les bons délais. Bandez-les avant qu'ils sachent que c'est moi qui l'ai. Le sage dans la tête, les vrais poètes ne passent pas à la télé. C'est le destin qui nous rattrape ou nous courons après. Oh, oh, oh, y a-t-il vraiment rien à faire? Est-il déjà tracé? Oh, oh, oh, on se bat pour notre vie. On essaye de garder les mêmes propres et ne pas se noyer dans le vide. Les pieds sur terre, on est debout. Du poids sur les épaules, mais on tient le coup.